Le mariage par contrat signé le 4 avril 1652 de Françoise d'Aubigné, ou plutôt d'Aubigné, hein, puisque c'est généralement cette orthographe qui est adoptée à l'époque, jeune beauté de 16 ans et demi, à la situation sociale ambiguë, et en tout cas sans dot, à Paul Scarron, âgé de 42 ans, poète célèbre qui réussit à peu près à vivre de sa plume, mais sans véritable patrimoine, et surtout infirme, représentant pas mal à un Z, selon sa propre expression, ne cesse de continuer à surprendre. Reconstructions historiques, souvent tardives, légendes et ragots suscitées par la personnalité de celle qui allait devenir Madame de Maintenon, sans compter les préjugés sur celle d'un poète déclaré prince du burlesque par ses contemporains, n'ont pas manqué de compléter les manques de la documentation originale, non seulement sur les causes profondes de cette union, mais aussi sur les 8 années de vie conjugale, Paul Scarron meurt en effet en octobre 1660, de cet étrange couple. Pour tenter de contribuer à l'histoire du littéraire, je voudrais poser la question en termes de capital socio-culturel. Quel était celui de Scarron et celui de Françoise d'Aubigné au moment de leur rencontre? Dans quelle mesure leur mariage a-t-il contribué à le transformer et comment a-t-il évolué? Je me suis efforcée de rester au plus près des informations les plus fiables, ce qui n'est pas chose facile. Une définition d'abord, j'adopterai la définition de Pierre Bourdieu du capital social comme désignant, je cite, l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d'interconnaissances et d'interreconnaissances. En ce qui concerne le capital culturel, il est nécessaire d'adapter la définition de Bourdieu aux réalités propres au XVIIe siècle, où la formation scolaire, entre guillemets, surtout pour les femmes, pèse bien moins que la construction d'un habitus qui permet et favorise l'acquisition d'une place sociale, habitus qui comprend dans les milieux que nous allons considérer un ensemble de ce que l'on pourrait appeler des savoirs culturels qui s'acquièrent par la connaissance de la littérature au sens très large, moderne, et par la fréquentation des salons. C'est donc pourquoi je parle de capital socio-culturel. Alors, pour Françoise d'Aubigné, elle connaît sans doute bien la Bible, ainsi que au moins Plutarque parmi les auteurs anciens, que dit-elle à plusieurs reprises, sa mère lui a donné à lire. Elle a certainement acquis une solide culture religieuse, au sens très large du terme, d'autant plus qu'elle est mixte, protestante chez les Villettes et catholique chez Madame de Neuillan et chez les Ursulines, d'abord à Niort, puis à Paris. Tout occupée à retracer les conflits suscités par la volonté de ces religieuses de ramener une pensionnaire récalcitrante à la foi catholique, biographes et historiens se sont peu intéressés à ce que Françoise d'Aubigné a pu apprendre par ailleurs, a pu apprendre d'autres, lors de ses séjours au couvent, au demeurant à peu près un an en tout. Selon Philippe Anaert, historien des religieuses enseignantes du nord de l'Europe, le programme d'enseignement des Ursulines, je cite, s'articule autour des préceptes religieux et moraux, des matières profanes enseignées et des règles de vie apprises et pratiquées dans l'existence quotidienne. On centre le projet pédagogique général sur l'idée de former les jeunes filles à devenir des femmes accomplies, à la fois mères de famille, éducatrices de leurs enfants et soutiens efficaces de leurs époux. Aux règles élémentaires de la civilité et aux bases de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique s'ajoute une formation pratique à la correspondance, au droit, à la comptabilité et aux tâches ménagères. Il ajoute, on insiste, au fil du temps, à l'élaboration progressive d'un humanisme féminin basé sur l'étude approfondie de la langue française qui n'exclut pas la pratique de la rhétorique et du théâtre, et sur la maîtrise des arts d'agrément, musique et danse, et des techniques et métiers d'art, dessin, peinture, broderie, dentelle, etc. Au regard du programme de Saint-Cyr, ça me paraissait intéressant de voir que Françoise Daubigné a pu, je ne l'affirmerai pas, mais a pu voir ça déjà un peu en œuvre chez les Ursulines. Selon d'ailleurs elle-même, elle aurait rapidement excellé dans ses exercices, au point de remplacer, selon un principe institutionnel chez les Ursulines de formation des petites par les grandes, la maîtresse d'études. Quant aux habitus mondains, c'est autre chose. Ils se constituent sans doute de quelques bribes jusqu'à ce que Madame de Neuillan la retire du couvent de Niort. La correspondance à laquelle l'habitue déjà sa mère, dès toute petite, et notamment au cours de leur séjour en Guadeloupe. La correspondance, elle a passé un séjour chez le commenteur de Poincy à Saint-Christophe, où elle a rencontré Cabard de Villermont, voyageur et érudit, avec qui elle a pu avoir des conversations, encore qu'elle fût bien jeune à cette époque. Une fois chez Madame de Neuillan, elle a sans doute participé de fait à la vie sociale d'une aristocrate provinciale, ce qui signifie aussi parisienne, car partager sa vie entre ses terres de province et un hôtel particulier parisien est alors de coutume. Est-ce vraiment là que Françoise Daubigné a reçu les leçons de savoir-vivre et de savoir-être du chevalier de Méré? Dans les lettres où il mentionne ce rôle, il ne se donne ni date ni précision sur leur première rencontre. Selon Jean Ménard, ce ne serait pas invraisemblable, puisque Méré appartient à la petite noblesse du Poitou et que des liens sont attestés avec les Tiracos, eux-mêmes liés aux Neuillans, et que, comme d'autres, il partage son temps entre Paris et sa province. Où est-ce à Paris, lors de son premier séjour avec Madame de Neuillan, pendant l'hiver 1650-1651, au cours des préparatifs du mariage de Suzanne de Neuillan, la marraine de Françoise Daubigné, avec le duc de Navailles? En tout cas, Méré ne se fit pas faute de se vanter d'avoir formé la jeune indienne. J'ai été le premier à l'instruire, et quand elle devrait rougir d'avoir eu un si mauvais maître, je n'ai pas peu contribué à ses manières si délicates et à ses grâces si piquantes que vous admirez en elle. J'espère de lui faire avouer en votre présence qu'elle m'en est obligée. C'est une lettre à Monsieur de Marillac. Il ne manque pas non plus, bien sûr, mais bien longtemps après, d'essayer d'en faire ressouvenir Madame de maintenant. Je pense avoir été le premier qui vous ait donné de bonnes leçons, et je puis dire, sans vous flatter, que jamais enfance, etc., je saute pour ne pas être trop longue. Bref, il se vante de l'avoir instruite à la rendre aimable. Mais il lui reproche ensuite de l'avoir négligée, non sans quelque acrimonie cachée, et qui va de pair avec des galanteries assez peu de saison, galanteries qui se heurtent à une fin de non-recevoir. Ce ton mi-figue mi-raisin montre que Méré n'a sans doute pas reçu fort bon accueil de la part ni de Madame Scarron, ni de Madame de Maintenon, qui ne semble pas en tout cas s'être montrée reconnaissante des leçons de politesse du chevalier. Par ailleurs, l'arrivée à Paris ne semble pas marquée par de grandes réussites dans les salons. Mademoiselle d'Aumale rapporte deux anecdotes où la jeune Françoise se ridiculisa quelque peu, au point que la maîtresse de maison dit d'elle « voilà une sotte petite femme ». C'est ce dont témoigne aussi Scarron lui-même, après leur première rencontre, alors que Françoise de Bigné repartit à Niort avec Madame de Neuillan en mars 1651. C'est une lettre très célèbre, mais je ne récite pas au plaisir de lire au moins le début. « Mademoiselle, je m'étais toujours bien doutée que cette petite fille que je vis entrer il y a 6 mois dans ma chambre avec une robe trop courte et qui s'est mise à pleurer, je ne sais pas bien pourquoi, était aussi spirituelle qu'elle en avait la mine. La lettre que vous avez écrite à Mademoiselle de Saint-Hermand est si pleine d'esprit que je suis mal content du mien de ne m'avoir pas fait connaître assez tôt tout le mérite du vôtre. » Pour vous dire vrai, je n'eus jamais cru que dans les îles de l'Amérique ou chez les religieuses de Niort, on apprit à faire de belles lettres. Et je puis bien m'imaginer pour quelles raisons vous avez apporté autant de soin à cacher votre esprit que chacun en a de montrer le sien. À cette heure que vous êtes découverte, vous ne devez point faire de difficulté de m'écrire aussi bien qu'à Mademoiselle de Saint-Hermand. Je ferai tout ce que je pourrai pour faire voir une aussi bonne lettre que la vôtre, et vous aurez le plaisir de voir qu'il s'en faut beaucoup que j'aie autant d'esprit que vous. Telle que je suis, je serai toute ma vie, mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur. » On va partir du principe que Françoise de Migné n'apporte en dos qu'un assez léger bagage socio-culturel. Mais Scarron avait de la culture pour deux. En 1652, donc, Scarron a déjà 2/3 de sa courte existence derrière lui. Il a, du point de vue socio-culturel, de ce qu'il peut apporter en dot de son côté, un bel avantage. Il faut souligner que sa réputation d'écrivain burlesque masque encore aujourd'hui le fait que Paul Scarron, sans se donner le ridicule des pédants dont souffre son ami Ménage, par exemple, est un véritable lettré en même temps qu'un mondain, bref, un nouveau docte, à l'égal d'un autre ami, le poète Sarrazin, du moins si on en croit Pélisson. On ne sait pas grand-chose de ses années de formation, mais on constate au travers de ses œuvres qu'il maîtrise parfaitement le latin et l'ensemble de la culture mythologique antique, comme le prouvent ses travestissements d'épopées. Qu'il maîtrise aussi l'espagnol, comme le prouvent ses nombreuses traductions et adaptations dans le domaine du théâtre et des nouvelles, et peut-être bien aussi l'italien, qui a donné non seulement les modèles des premiers travestissements en Europe, mais aussi les modèles des poésies burlesques. Et ce ne sont pas des poésies faciles en italien. Qu'il connaît bien l'ensemble de la littérature de son temps, ainsi que les débats esthétiques, comme le prouve la forte dimension métatextuelle du roman comique. Qu'il s'intéresse aux questions philosophiques, selon le témoignage de son ami Cabard de Villermont, qu'il aurait trouvé attaché à traduire la morale de Gassendi. S'il n'y a pas de morale de Gassendi, c'est sans doute son ouvrage sur Épicure, ou ses ouvrages sur Épicure, et même aux questions économiques, comme l'indiquent ses investissements, même s'ils furent assez régulièrement fort peu rentables. Et qu'il a, comme Saint-Amand et comme Sorel, les coudées franches dans la langue française tout entière, et dispose d'un instrument de très large amplitude et à toute main. Je signale que son inventaire après-décès mentionne environ 350 livres, dont une Bible et l'histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné. On peut savoir quand il l'aurait acquise. Parallèlement, ayant choisi la stratégie du succès, Scarron a très tôt développé ses relations mondaines. Au cours de sa jeunesse parisienne, quelque peu dorée, je rappelle que son père occupait un poste relativement important au Parlement de Paris, puis au Mans pendant qu'il y réside, et ensuite à nouveau à Paris. Ce n'est pas pour rien que sa première œuvre d'importance publiée, et qui a eu un très grand succès, même si elle est à peu près oubliée aujourd'hui, en tout cas personne ne le lit, le recueil de quelques vers burlesques de 1643. C'est un assemblage de poèmes de circonstances adressés entre autres à Richelieu, à Louis XIII, à Gaston d'Orléans, à Marie de Hautefort, favorite d'Anne d'Autriche après l'avoir été de Louis XIII. Et c'est par l'intermédiaire de Marie de Hautefort que Scarron obtient une pension en tant que malade de la reine d'Anne d'Autriche. Si bien que le second recueil, la suite des œuvres burlesques de M. Scarron 1644, contient de fort nombreux poèmes dédiés à Anne d'Autriche. Tandis que Typhon ou la gigantomachie est dédié à Mazarin, ce qu'on oublie. Il habite alors dans le Marais, le lieu à la mode, avec sa sœur Françoise, maîtresse, je dirais presque officielle, du duc de Trèmes. Bref, en 1648, Scarron est un écrivain célèbre dont le dernier coup d'éclat est la parution dédiée à Anne d'Autriche encore, du premier livre de Virgile Travesti, qui lui a permis de signer un contrat fort conséquent avec Toussaint Quinet, 1000 livres par champ, les douze sont prévus. Mais le contexte du mariage est nettement moins flamboyant en raison de la fronde. En juin 1650, Scarron est venu s'installer au Faubourg Saint-Jacques, donc au-delà de la porte Saint-Michel. Il loue une partie du vaste hôtel de Troyes où réside aussi son ami Cabard de Villermont. Les raisons de cet éloignement du cœur de Paris ne sont pas connues, mais la fronde n'y est sans doute pas pour rien. Après avoir chansonné, un peu comme tout le monde, après avoir regretté les incohérences de la première fronde et déploré ses conséquences, le blocus, la fin dans Paris, Scarron a fini par se fâcher vraiment contre Mazarin, peut-être sous l'influence de ces aristocrates essentiellement frondeur qu'il reçoit alors dans son salon, et notamment du fulgur cardinal de Ré, que Scarron dit avoir connu dans sa jeunesse. Mais Ré ne cite jamais Scarron. C'est sûrement aussi parce qu'il le rend responsable de l'arrêt du versement de la pension qu'il avait obtenue d'Anne d'Autriche. Il a donc publié au début de 1651 La Mazarinade, sous un anonymat dont nul n'est dupe à l'époque. Mais il sent sans doute assez vite que le vent va tourner et sa maladie s'aggravant rêve d'un ailleurs, de cette France équinoxiale où il guérirait et serait heureux, ainsi qu'il en témoigne dans ses réflexions politiques et morales, tant sur la France que sur l'Amérique, par un pauvre diable. Poème paru en 1652. Très, très beau poème. Peut-être que son ami Cabard l'a entretenu dans cette utopie. Et c'est voilà qu'il rencontre, probablement parce que l'hôtel de Troyes est proche de celui de Pierre Tiracot de Saint-Hermand, cousin de Madame de Neuillan et pied-à-terre de celle-ci lorsqu'elle vient séjourner à Paris. Donc on est bien dans un cercle de relations familiales et de proximité. Donc il rencontre Françoise de Bigné, que justement Cabard a connue aux Antilles. Scarron se trouve alors, comme Françoise elle-même, dans une position sociale d'attente et d'incertitude. L'une parce qu'il est temps, comme il est alors normal à son âge, 15, 16 ans, c'est l'âge par exemple du mariage de Madame Fouquet, la seconde, qu'elle soit placée, soit vouée au couvent, soit promise en mariage. L'autre parce qu'il est lassé des désordres et de la guerre civile, de Mazarin autant que de ses incapables adversaires, et qu'il veut tout quitter, alors même qu'il est un écrivain célèbre et fort entouré. Après un nouveau séjour à Niort, Françoise de Bigné revient à Paris à l'automne 1651. Il semble bien qu'on discutât alors sérieusement de son avenir. Cela aurait entraîné la proposition de mariage de Scarron, qui fait suite à une proposition de financement pour entrer au couvent, mais Françoise de Bigné, pas question. Proposition de mariage qui aboutit quelques mois plus tard, le temps de recueillir l'autorisation de la mère, qui est toujours vivante, contrairement à ce qu'on a parfois dit. Alors, ce mariage a-t-il été profitable sous l'angle sous lequel je me pose, à savoir le capital socio-culturel de l'un et de l'autre? Selon la voix commune des mémorialistes et biographes, Françoise de Bigné trouva dans ce mariage l'occasion d'échapper au couvent. Madame de Neuillan, réputée fort avare, de se débarrasser de la charge d'une jeune fille sans fortune, et Scarron, une jeune femme qui voulait bien de lui, ce qui n'était pas évident, même s'il avait la réputation d'un homme de joyeuse humeur, fin et riant burlesque, selon Loret. Les premiers temps de son mariage, il caresse encore le rêve indien, mais l'expédition qu'il avait contribué à financer tourne au fiasco. Il lui faut donc d'urgence se réinsérer dans la vie culturelle et mondaine et passer par-dessus cette publication malheureuse de la Mazarinade pour retrouver des mécènes et favoriser ses succès de plume. Or, sensible à l'air du temps, il se rendait bien compte que ce qui manquait à son salon pour devenir vraiment un lieu à la mode, c'était une maîtresse de maison, une femme d'esprit qui sut lui donner les agréments et la politesse désormais requis pour prétendre être un centre de vie mondaine. Selon Talmant des Réaux, il disait qu'il s'était marié pour avoir compagnie, qu'autrement on ne le viendrait point voir. Et en effet, rebours d'autres, il ne pouvait pas courir Paris d'un salon à l'autre. Il eut un mal fou à aller rencontrer Anne d'Autriche au Louvre. Or, une place était à prendre. La chambre bleue de Madame de Rambouillet n'était plus ce qu'elle était, dans les années 50-52, et le salon de Mademoiselle de Scudéry commençait à peine à faire parler de lui. De plus, comme le prouve l'importance de cette thématique dans le roman comique, écrit vers 1650, et 57 pour la seconde partie, il se rend compte que la morale de l'honnêteté et sa forme raffinée, la morale galante, quelque peu dangereuse pour sa spécialisation burlesque, prennent une place de plus en plus prégnante dans les discours sociaux et culturels. Selon la lettre que j'ai citée, Scarron avait sans doute pressenti que Françoise de Bigné était, je cite Madame de Caylus, était faite pour les délices de la société par l'agrément de son esprit. L'opération fut réussie. Selon Lafare, la bonne compagnie s'assemblait souvent chez lui avant qu'il fût marié. Sa femme ne l'écarta pas et la compagnie devint encore meilleure dès qu'elle y fut. Et Saint-Simon précise, la nouvelle épouse plut à toutes les compagnies qui allaient chez Scarron. Il la voyait fort bonne et en tout genre. C'était la mode d'aller chez lui. Gens d'esprit, gens de la cour et de la ville, est-ce qu'il y avait de meilleurs et de plus distingués qu'il n'était pas en état d'aller chercher hors de chez lui et que les charmes de son esprit, de son savoir, de son imagination, de cette gaieté incomparable parmi ses mots et toujours nouvelle, cette rare fécondité et la plaisanterie du meilleur goût, et on dira que le burlesque c'est du style bas, qu'on admire encore dans ses ouvrages, attirait continuellement chez lui. Bel éloge pour quelqu'un qui sait avoir la plume cruelle. De plus, pour favoriser ce développement de sa vie mondaine, après un court séjour en province, sans doute pour laisser un peu oublier son engagement frondeur, Scarron se réinstalle dans le Marais. Il put alors se féliciter du succès de sa chambre jaune. On fait dire tous les jours aux princes, ducs et officiers de la couronne qu'on ne voit personne, et l'ambition d'être admis à notre petite société commence à être grande et à s'échauffer furieusement dans la cour et dans la ville. Françoise d'Aubigné, devenue Madame Scarron, sut tout à fait tenir le rôle que Scarron attendait d'elle, et s'y tenir. Non sans ce zeste d'attrait érotique qui faisait alors tout le charme de la vie mondaine, n'en déplaise aux esprits chagrins. Méret atteste d'ailleurs que tous les galants ne sont bien reçus auprès d'elle qu'autant qu'ils sont honnêtes gens. Ceux qu'on la voit si libre et qui engagent beaucoup de gens auprès d'elle ne leur doivent pas faire espérer d'en venir à bout, car ce n'est qu'une marque de sa confiance et qu'elle sait bien à quoi s'en tenir. Certes, les poètes célèbrent ces beautés de jeunes indiennes, mais c'était surtout parole de papier, comme il est courant à l'époque. Dans le « Maintenant, Nana », elle précise « J'ai vu de tout, mais toujours de façon à me faire une réputation sans reproche. Le goût qu'on avait de moi était plutôt une amitié générale, une amitié d'estime, que de l'amour. » Plusieurs témoignages soulignent même que Madame Scarron sut apporter dans ce salon où l'on pouvait avoir, c'est vrai, parfois des conversations un peu vertes, une certaine dose de retenue et de bienséance et font son éloge. Je passe les citations, vous les trouverez plus tard. Pour autant, rare parmi les précieuses, elle ne va pas sans son mari. Généralement mis à l'écart et plutôt méprisé chez les précieuses. Le portrait de Lyriane chez Madeleine de Scudéry est lié à celui de Scaurus et Straton, le maître de Stratonis chez Sommès, c'est Scarron. Les meilleurs observateurs de la vie galante, indissociablement littéraire et mondaine, ne les concevaient donc pas l'un sans l'autre. Ils formaient bien un vrai couple de gens d'esprit, comme le souligne Loret à la mort de Scarron. C'étaient deux beaux esprits ensemble, mais la grâce et les appâts, le reste ne ressemblait pas. L'épouse avait grand avantage, et je crois que leur mariage s'entretenait par les accords bien mieux de l'esprit que du corps. Il importe enfin de noter que Madame Scarron sut développer, pour son propre compte, des relations avec Madame Fouquet, Madame d'Albret, Madame de Richelieu, Madame de Montchevreuil, par lesquelles, selon Alexandre Maral, et je crois que c'est tout à fait juste, elle sortait quelque peu des cercles littéraires de la préciosité pour entrer dans ceux d'une compagnie socialement plus élevée et plus proche de la dévotion. Je conclue. En tant qu'écrivain, Scarron eut-il une véritable influence sur l'art d'écrire chez un homme de maintenant? Ce n'est pas sûr. Certes, on peut trouver certaines traces discrètes de burlesque dans sa correspondance. Ses éditeurs actuels soulignent son, je cite, « aptitude à user d'une manière ludique et donc consciente des marges de l'usage ou de la norme linguistique, son goût de la raillerie fine et son art de l'adaptation dont on a parlé hier ». Mais on est là dans un art d'écrire largement partagé et je n'y verrai pas l'influence particulière de Scarron, mais plutôt d'une norme épistolaire du temps. Sur le plan social, on peut être plus affirmatif, tel Segret, grand ami de Scarron. Madame de Maintenon est redevable de son esprit et en même temps de son élévation à Scarron. Elle le connaît bien et elle l'a fait connaître par les égards qu'elle a toujours eus pour ceux qui étaient ses amis, et même en réutilisant le chargé de pouvoir de Scarron. Ou encore, je cite toujours Segret, « ce qui servit encore extrêmement à former Madame de Maintenon, c'est que la maison de Scarron était le rendez-vous de tout ce qu'il y avait de plus poli à la cour et de tous les beaux esprits de Paris. Ainsi, si Scarron a pu, selon le même Segret, regretter à sa mort de ne pouvoir laisser de bien à sa femme, il lui a laissé tout de même un bien symbolique fort précieux. »